m'appelle souvent le jour, le soir, pour prendre des news car elle s'inquiète pour toi. Mais elle me parle et cela sans aucun espoir. Quand elle me réclame, quand est-ce que tu arrêteras? Les drogues t'empêchent de me voir, mais que tu sais que t'arrives pas. Mara, promets-moi de ne pas augmenter la dose. Trop autour de toi, mort d'overdose. Promets-moi de faire quelque chose d'autre, même si je sais que rien ne t'intéressera. Oh, si tu savais comme je t'aime. Oh, si tu savais comme je te veux. Et tu me donneras tout l'amour dont j'ai besoin. Et je te donnerai tout l'amour dont tu auras besoin. Oui, on se parle, on se dit que l'amour ne fonctionne que dans le réel. Oui, on remarque au fil des jours, l'amour ne fonctionne pas dans l'éternel. Oui, on se parle, on se dit que l'amour ne fonctionne que dans le réel. Oui, on remarque au fil des jours, l'amour ne fonctionne pas dans l'éternel. Oui, on se parle, on se dit que l'amour ne fonctionne que dans le réel. Oui, on remarque au fil des jours, l'amour ne fonctionne pas dans l'éternel. Oui, on se parle, on se dit que l'amour ne fonctionne que dans le réel. Oui, on remarque au fil des jours, la montre fonctionne que dans le réel.